As I wanted to say. Comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit. Perhaps. Peut-être. Peut-être. You will be able. Vous allez pouvoir. Vous allez pouvoir. It's normal to. C'est normal de. C'est normal de. It is necessary. Il faut. Il faut. You can use. Vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser. Where it is. Où elle se trouve. Où elle se trouve. And you can find it there. Et vous pourrez y trouver. Et vous pourrez y trouver. All there. Toutes les. Toutes les. Today we are going to talk about. Aujourd'hui on va parler des. Aujourd'hui on va parler des. It is necessary to do. Il faut faire. Il faut faire. We only have one. On a seulement une. On a seulement une. We need. On a besoin de. On a besoin de. Is difficult to. Est difficile de. Est difficile de. Those are the. Ce sont les. Ce sont les. In general we learn. En général on apprend. En général on apprend. Try to. Essaye de. Essaye de. There are plenty of. Il existe plein de. Il existe plein de. It doesn't work very well. Ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien. You can also have. Vous pouvez aussi avoir. Vous pouvez aussi avoir. You can try to. Vous pouvez essayer de. Vous pouvez essayer de. Alone. Tout seul. Tout seul. Now there are plenty of. Maintenant il y a plein de. Maintenant il y a plein de. We are going to rather talk about. On va plutôt parler de. On va plutôt parler de. When we talk about. Quand on parle de. Quand on parle de. So we are going to talk about. Donc nous allons parler de. Donc nous allons parler de. You should also know that. Il faut aussi savoir que. Il faut aussi savoir que. So it is going to help you. Donc ça va vous permettre. Donc ça va vous permettre. I did this. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? So we start. Alors on commence. Alors on commence. It's a. C'est une. C'est une. The difference between. La différence entre. La différence entre. And instead of doing that. Et au lieu de faire ça. Et au lieu de faire ça. It is a word that comes from. C'est un mot qui vient du. C'est un mot qui vient du. Something. Quelque chose. Quelque chose. For example, if you buy one. Par exemple, si vous achetez une. Par exemple, si vous achetez une. That's when you are. C'est quand vous êtes. C'est quand vous êtes. Because you want to. Parce que vous voulez. Parce que vous voulez. So you have to try to. Donc il faut essayer de vous. Donc il faut essayer de vous. This is the natural way to. C'est la façon naturelle de. C'est la façon naturelle de. And for him. Et pour lui. Et pour lui. Would you be able to repeat that? Pourriez-vous répéter? Pourriez-vous répéter? That's the only way. C'est la seule façon. C'est la seule façon. To be able to use a. De pouvoir utiliser un. De pouvoir utiliser un. When you are at. Quand vous êtes à. Quand vous êtes à. You know that you are. Vous savez que vous êtes. Vous savez que vous êtes. That it is necessary to. Qu'il faut. Qu'il faut. He thinks that when you learn a language. Il pense que quand on apprend une langue. Il pense que quand on apprend une langue. In this way. De cette façon. De cette façon. We cannot. On ne peut pas. On ne peut pas. And we think that when we. Et on pense que quand on. Et on pense que quand on. Of course. Bien sûr. Bien sûr. We have to. On doit. On doit. We will be able to. On sera capable de. On sera capable de. It doesn't work very well. Ça ne fonctionne pas très bien. Ça ne fonctionne pas très bien. We say that we must. On dit qu'il faut. On dit qu'il faut. There have been a lot of. Il y a eu beaucoup de. Il y a eu beaucoup de. At first, we have to try to. D'abord, il faut essayer de. D'abord, il faut essayer de. I think that we need. Je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut. But that is not the priority. Mais ce n'est pas la priorité. Mais ce n'est pas la priorité. Are you going to? Est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez? What counts? Ce qui compte. Ce qui compte. We leave right now. On part tout de suite. On part tout de suite.